Chapitre 4. Le grand carrefour. Le cuisinier Vatel s'est rendu célèbre dans l'univers entier par un suicide du même genre que celui de Monsieur Le Gall. Tous les deux moururent d'une humiliation professionnelle. J'espère que les présents mémoires feront passer le nom du chantre de Guidel à la postérité la plus reculée. Je lui dois bien cela, comme on pourra le voir. L'odeur qui empestait l'air me convainquit tout de suite de l'inutilité de tout secours. Il y avait une nuée de mouches alentour du cadavre. Je pus voir que la main crispée du malheureux tenait encore ce fatal carré de parchemin où était inscrit le verset apocryphe inventé par le neveu Grippe-Soleil. Je remarquai encore autre chose. On sait le préjugé populaire qui s'attache à la corde de pendu. Il me sembla qu'on avait déjà beaucoup dîmé sur celle de l'infortuné Le Gall. Elle était réduite par de nombreux emprunts au tiers de sa grosseur et tout effiloqué. Je payai un requiem au défunt sans lui dérober en échange aucun brin de sa corde et je continuai ma route. 3 minutes après, je débouchais dans la grande avenue de Kéramour et je mettais pied à terre pour recevoir dans mes bras ma petite Vivette chérie qui pleurait comme une madeleine. Nous fûmes longtemps avant de parler. Elle tremblait sur mon cœur comme un jonc au courant de l'eau qui s'enfuit. L'air était doux qui venait des grandes roches de Kerpap et de la falaise de Lochmener. Ce vent du large, si cher à la poitrine des Bretons, chantait mélancoliquement dans les hautes branches des hêtres. Ah, de ce moment-là, toute ma vie je me souviendrai. C'était un noble lieu. J'ai vu bien des châteaux royaux. Je n'en ai pas trouvé un seul qui eût cette splendide approche. Au grand carrefour, il y avait 5 allées en étoile. Toutes les 5, larges comme l'avenue de Vincennes, et bordées par 3 rangs d'arbres gigantesques, adossés partout à la futaie. Autour des vieux troncs qui déchaussaient leurs racines énormes, la mousse verte et fauve croissait comme une chevelure, tachée çà et là par les toitures basses, épaisses et brunes des monstrueux champignons. Par places, les bords du chemin étaient tout bleus de pervenche, et de chaque côté des fossés, aussi bien que le long des ornières profondes, la lande renaissait, mêlant l'or des ajoncs aux roses obscures de la bruyère, dont l'odeur d'incendie allume la passion du chasseur. 3 des percées allaient à la mer. Parce que le domaine de Kéramour est un promontoire, l'allée de l'ouest tombait dans l'immensité de l'océan. L'allée du sud apercevait l'île de Groix et ses roches basaltiques. L'allée de l'est regardait le clocher de l'Armor, les remparts de Port-Louis et la rade de l'Orient, bizarres et jolies comme un coin du paradis de l'Inde. Les 2 autres, enfin, dirigés vers la terre ferme, découvraient les larges échappées, forêts, plaines et montagnes qui vont de Kerbaloz à Pindore. Ces noms peuvent vous sembler barbares. Pour nos oreilles bretonnes, ils sonnent comme l'harmonie des syllabes grecques remuait le cœur des guerriers pélages, évoquant sur la terre étrangère l'Ilissus, l'Eurotas ou la bien-aimée Argos. Nous avons nos poètes aussi, qui chantent sur la harpe des bards de Sker, et ses lutteurs, les 30 chevaliers d'Evran, les 12 vierges de Trèfleur, Kérylis et ses visions blanches, Élée, la rivière enchantée, Isole, sa sœur, la rivière bénie, Quimperlé, où est la fête des Rouges-Gorges, Uzel, où est Notre-Dame des Anges, Saint-Priol, où la brise s'embaume en passant sur le pardon des fleurs. Ce ne sont pas ici de vains mots. Parler de tout cela, c'est songer encore à ma petite chérie que j'allais quitter en abandonnant mon pays. Savais-je alors comme je les aimais toutes les deux, ma Viviane et ma Bretagne? Quand Vivette retrouva la parole, ce fut pour me dire « Gaston, je n'en veux pas à papa. Et toi ?»« Ton père, » répondis-je, « est la meilleure âme. Bon, bon, embrasse-moi. Tu vas voir du pays, cela console. Moi, j'aurai à chauffer les gilets de laine du vieux Grigou de Merlin. Est-il laid? Est-il ratatiné, râpé, sec, méchant, abominable? Dis-moi que tu ne m'oublieras jamais. » « Oh, jamais !» m'écriai-je. « Combien papa t'a-t-il donné pour ton voyage ?»« 1 demi-louis. »« Pauvre papa, tiens, prends cela, c'est toute ma fortune. » Comme j'hésitais, elle ajouta, « Je n'en ai plus besoin puisque je vais être si riche. Il y a 5 louis d'or, c'est assez pour aller jusqu'à Paris. Et il y a ma croix de cou qui vaut 38 livres pesants et l'alliance de maman. L'alliance, c'est pour mettre en gage, si tu en as besoin. » mais je te défends de la vendre. Je ne voulus pas de l'alliance, et je n'acceptais la croix d'or que pour la porter sur mon cœur. Si vous saviez comme Vivette était jolie, assise sur la mousse à mes genoux. « Tu es bien gentil, me dit-elle, de n'en pas vouloir à papa, mais si tu m'aimais beaucoup, beaucoup, tu te mettrais plus en colère, et je serais obligée de me mettre à tes genoux pour t'empêcher de tuer Monsieur Merlin, sais-tu ? » L'idée ne m'en était pas venue de tuer Monsieur Merlin. « Au fait, m'écriai-je en sautant sur mes pieds, si on l'assommait, ce vieux coquin-là, un petit peu, tu le ferais ? » me demanda-t-elle en fixant sur moi ses yeux brillants. « Tout de suite, répondis-je, attends-moi seulement, je vais revenir. » Elle m'entoura de ses bras charmants et souriant à travers ses larmes. « Il ne l'aurait pas volé, dit-elle, mais qui donc mettrait des fûts dans la cave de papa ? Je te remercie, mon Gaston, tout comme si tu avais fait la chose pour moi. Va, on n'est pas sur la terre pour se divertir, c'est sûr. J'ai bien réfléchi, je serai bonne avec Monsieur Merlin, malgré tout, et je ne lui jouerai pas de niche pour que papa ait à boire et à manger. « Embrasse-moi. » Elle mit sa tête sur mes genoux. Combien de fois ne s'était-elle pas endormie ainsi par les soirs d'été, quand nous étions enfants tous les deux ? Le soleil enfilait déjà l'allée de l'ouest, allumant dans la mer une traînée plus longue. De sa voix cassée, le clocher de Guidel envoya la cinquième heure. Viviane se releva en sursaut. « Père m'avait dit de n'être pas longtemps, » fit-elle. « Il faut que je veille à lui. » car il est capable de reprocher ton départ à Monsieur Merlin quand il aura son coup du soir, et de le battre comme plâtre. Où couches-tu cette nuit ? À Auray, pousse jusqu'à Sainte-Anne, et dis à la bonne mère de la Vierge que je l'aimerais bien si elle te garde contre tout malheur. Tiens, voici mes boucles d'oreilles. Tu les suspendras à droite en entrant dans la chapelle, auprès de mon petit bracelet d'or que j'avais porté l'an dernier quand tu fus malade. Le reconnaîtrais-tu ? Je baisais ses belles mains sans répondre. Mon cœur se fondait à cette heure de la séparation. Elle me mit sur mes jambes et m'entraîna vers Taupin qui attendait, broutant les jeunes pousses des ajoncs. « Il y a de si bons chevaux dans l'écurie de Monsieur Merlin, » soupira-t-elle. « Et tes fontes n'ont même pas de pistolet. Il en a de change et de rechange, lui, et qui ne servent pas, comme je le déteste. » Nous entendîmes un bruit de feuilles sèches sous le couvert. Mon oncle Le Bihan et son futur gendre arrivaient bras dessus, bras dessous. Monsieur Merlin était armé en guerre. Il portait à la main un bâton fourchu à deux dards, bonne défense contre les chiens enragés, et un mouchoir de cholet, noué autour de sa veste, soutenait une paire de forts pistolets. « Les voilà, parbleu » dit-il. « Est-ce bientôt fini, ces grimaces-là » Mon oncle allait la tête penchée. Il grommela. « Les plus courts adieux sont les meilleurs. » « Allons, garçaille, embrassez-vous, et en route, toi, chevalier !» Vivette m'avait quitté pour aller au nouveau venu. Sans mot dire, elle prit les deux pistolets à la ceinture de Monsieur Merlin et les fourra dans mes fontes. « Eh bien, eh bien !» s'écria le Grigou. « Voyez-vous ce que fait l'effronté, voisin ?»« Ventre bleu !» répliqua mon oncle. « Puisque vous n'avez plus les deux bêtes, voisin, lâchez le fourrage aussi !» Il me tendit en même temps la petite poire à poudre et le sac à balles qu'il venait d'ôter de la poche de son gendre. « Et des campes, cadet » ajouta-t-il. « Calotte à papa. Si on te revoit dans le pays, je te fais mener par les chiens comme un lièvre. »« Les chiens vous mèneraient plutôt que lui, » dit Vivette. « Il va s'en aller, soyez tranquille, et la joie de notre maison le suivra. Vous et moi, mon père, nous avons vieilli de 10 ans aujourd'hui. Monte, Gaston, » ajouta-t-elle en s'adressant à moi. « C'est fini pour un temps, mais qui vivra verra. » Quand je fus en selle, le Grigou poussa un grand soupir de soulagement. Depuis qu'on lui avait pris ses pistolets et ses munitions, il n'avait pas soufflé mot, mais le diable n'y perdait rien. Il me regardait avec des yeux de chouette, et la colère faisait remuer ses lèvres. Vivette ne m'embrassa même pas. Elle me tendit la main d'un geste stoïque en disant « Adieu, Gaston, que Dieu te bénisse !» Et je partis vitement. Mes yeux me brûlaient. Je ne voulais pas que Monsieur Merlin me vît avec des larmes sur la joue. Je l'entendis qui grommelait. « Que le diable t'emporte !» J'allais en remontant vers la grande route. Le jour s'assombrissait par l'ombre des futaies, quoique le soleil fût encore au-dessus de l'horizon. J'avais fait dessein de ne point me retourner. Tout à coup, j'entendis un pas léger qui courait derrière moi sur la mousse et des voix déjà lointaines criant « Vivette ! Vivette !» Je sentis un choc soudain. Deux jolis bras bien-aimés se nouèrent autour de mon cou. C'était Vivette qui venait de sauter en croupe. Ne vous étonnez pas, Taupin n'était pas bien haut sur ses jambes, et ma pauvre petite Viviane se serait moquée d'Atalante au combat de l'agilité. « Bête que je suis !» me dit-elle tout essoufflée. « J'avais oublié le principal. Jamais je ne m'en serais consolée. Prends ceci et promets-moi sur ton salut éternel de ne jamais t'en séparer. » Elle tendit en même temps une petite bonbonnière de corne étamée, comme on en vend à la foire. « Qu'y a-t-il là-dedans, chérie ?» demandai-je, les lèvres déjà collées sur ses doigts. « Jures-tu ? » ?»« Je jure. Sur ton salut ? » ?»« Sur mon salut. » « Il y a un peu de mes cheveux d'abord, et puis un peu de la corde qui a servi au pauvre bonhomme le Gall. Avec les deux, j'ai tressé une bague. »« Quelle folie !»« Tu as juré ?» Elle m'enlaça d'une dernière étreinte, mit ses fraîches lèvres sur ma joue et se laissa glisser dans le chemin, disant dans le patois gallo qu'elle parlait si doucement. « Tout le bonheur de t'aimer pour t'être tout seul, mon chéri, chéri joli !»